sable, mais les eaux parlent encore. Les tambours réveillent les mémoires, et dans les corails des qu'ils se lèvent. Il n'est plus homme et les rites crient déferlement. Un souffle ancien dans chaque ordre. Ils l'ont suivi sans question, visage masqué, cœur brûlant. Son stream est un temple, sa chaîne un appel. Le désert s'ouvre quand il parle. Les dunes se taisent pour écouter. Seulement la foi et les tambours cognent comme le cœur d'un titan. Riders King. Leurs chants sont des lames, leurs regards des serments. Quand ils parlent, les dunes s'alignent. Quand ils crient, les étoiles se Riders qui n'a pas besoin de followers, il a des croyants, des soldats, des flancs.